Voici d'abord les extraits des deux lettres écrites par Arthur Rimbaud, à l'âge de 17 ans, à deux de ses professeurs. La première est adressée à Georges Isambard. Elle est datée du 15 mai 1871.